Kaza sheta moyo kakisa mama na nzambe Esinga kia matana nzete mbomona nenge ni nyako ya Gapina mata wapi mbona mbona nenge boli mweko soma Pete trako lo belanga lelo na kulale panayo Esinga mweko zala lelo kule kabanjelu na lola Soki mopagano abongoli motema wanase Pito Lukaya, la classe et la différence Petrona limeti a opesi bambanda permission ya ko défiler na miso na ngai ce côté bolingo a vendre Pite Lukaya Paul Alex Ngwebini de l'Afrique awo kotisimo te malanga na sweze tansi okuna moto te akoya ko rendre ma visite Nenge porter a mesa na na kilo sa gabali na moto mino mesa na kokate la lole mobile ina monoko Nengangana mesana na yo So kinzo kwa mokolo ako Miole mami nona ye Esa pasi na furumi patombola eteni ya lipa Mwana la libumu ya mama Tunakateze miango eko taki wapie sansela bota Mana ye na mokili ya zambe Kungi ata ome miya na insi na miliki Esa kwa feshe te kwa pike kweza mosala na ye Kelke swa janti esa chauffeur na taxi Et ça va empêcher tes bacs, et pas foutre à tiquer. Non, Lisa, vous savez. Sans le frère, ni l'Égypte, ni ma cause à la dessert. Vous avez un look à la montée, mais c'est qualité à la vie. Super Manchesco Delando, Dani Panzu, Magali Talo, moi c'est mon conzi. Sans le frère, ni l'Égypte, ni ma cause à la dessert. Vous avez un look à la montée, mais c'est qualité à la vie. Le président Jean-Marie Kikonda, le maréchal Junior Tchèque Fou. C'est qu'elle est à vie, le cœur ne l'oublie jamais Ata mon lili, qui sera n'est mon iote Na mon gongo na ye baka ye zali pito lukaya Loko la beba se refera kana sona tsoto Oh oh aida tifé oya ye aye mama Abitcho gangstar, Claude Manhattan Pito na nga lukaya, koka nga mote mate Soki mafungo la kantima, koko mona oya ngai Nengozo sala ngai, jigale nza wa Linda de 106 Mozo sala ngai chanto le bolazo se velati Se que le a vi, le cœur ne l'oublie jamais Ata mo lili, William de Singaï Sola ne mo ni yote Kamo koko na ye baka ye zali pito lukaya Loko la beba se refera kana sola tsoto Oh oh aida tife oya ye aye mama José Kabea, Jires Bondo Papa nye vensa pito lukaya Palingi baka bolanga na yo yambala Maluma Tondo Est-ce que nako vivre tout na gilet sana La Bili Mbasi Candista Pito na lingi yo me mangai na likolo Brison Makangwe C'est que le a vie, le cœur ne l'oublie jamais Ata mo lili, isora nge mo ni yote Na mo mongo na ye baka ye zali pito lukaya Sintia la kadeta Kona beba se refera kana sola tsoto Oh oh aida tife oya ye aye mama Cheko Lubanda, Ige Makolo, Lelo Ombaye, Hervé Mac, Patrick Demouchi, Lieven Dongala, Amis et Prince de Lyon, Gaz na Gaz, Amba Boto, Willy Kanindai. Tona lingi yo me mangai na likolo Nona 3 Yves Mpela Tona lingi yo me mangai na kiba Lukaya na lingi yo me manga na Guatemala Noel Pacheco Pito bombi saboli mwe pa Francilouya Batumba la Kashogi Sekele a vi, le cœur ne l'oublie jamais Ata mo lili, isora nge mo ni yote Lili Balembo Na mongo mo na ye baka ye zali pito lukaya Loko la beba se refera kana Jean-Marc Simbi, Jolin Toko, Boss Mathieu, Nene Koupesaï, Laure Sola, Perola, Chichi Chibasu, Emani Kiala, Hérode de Tiongo Juriste, Inspecteur John Matondoui, Fortiné Kouika, Ingénieur Kamalwanda Yaya Baleki, Digi Bilele, Emani Kiala, José Mbueno, Wale Fortina Dadi Panzoué Atou Alunga ya Mireille Benjamin Fouman Poutoupa Benji Nadine Kwengi Tababou Rebecca Ngimbi Josiane Mondele Irene Mboma Prince Ilia Mbemba Patrick Efonja